Chapitre 3. Marguerite. Prends tout ce que tu voudras, ma chère Marguerite. Amuse-toi avec nos joujoux. Oh, les belles poupées! En voilà une aussi grande que moi. En voilà encore deux bien jolies. Oh, cette grande qui est couchée dans un beau petit lit. Elle est malade comme pauvre maman. Oh, le beau petit chien, comme il a de beaux cheveux, on dirait qu'il est vivant. Et le joli petit âne. Oh, les belles petites assiettes, des tasses, des cuillères, des fourchettes et des couteaux aussi. Un petit tuilier et des salières. Oh, la jolie diligence! Et cette petite commode pleine de robes, de bonnets, de bas, de chemises aux poupées. Comme c'est bien rangé! Les jolis petits livres! Quelle quantité d'images, il y en a plein l'armoire! Camille et Madeleine riaient de voir Marguerite courir d'un jouet à l'autre, ne sachant lequel prendre, ne pouvant tout tenir, ni tout regarder à la fois, en poser un, puis le reprendre, puis le laisser encore, et, dans son indécision, rester au milieu de la chambre, se tournant à droite, à gauche, sautant, battant des mains de joie et d'admiration. Enfin, elle prit la petite diligence, attelée de 4 chevaux, et elle demanda à Camille et à Madeleine de sortir avec elle pour mener la voiture dans le jardin. Elles se mirent toutes 3 à courir dans les allées et sur l'herbe. Après quelques tours, la diligence versa. Tous les voyageurs qui étaient dedans se trouvèrent culbutés les uns sur les autres. Une glace de la portière était cassée. « Ah, oh, mon Dieu, mon Dieu !» s'écria Marguerite en pleurant. « J'ai cassé votre voiture, Camille. J'en suis bien fâchée. Bien sûr, je ne le ferai plus. »« Ne pleure pas, ma petite Marguerite, ce ne sera rien. Nous allons ouvrir la portière, rasseoir les voyageurs à leur place, et je demanderai à maman de faire mettre une autre glace. » « Mais si les voyageurs ont mal à la tête comme maman ?»« Non, non, ils ont la tête trop dure. Tiens, vois-tu, les voilà tous remis, et ils se portent à merveille. »« Tant mieux, j'avais peur de vous faire de la peine. » La diligence relevée, Marguerite continua à la traîner, mais avec plus de précaution, car elle avait un très bon cœur. Elle aurait été bien fâchée de faire de la peine à ses petites amies. Elles rentrèrent au bout d'1 heure pour dîner, et couchèrent ensuite la petite Marguerite, qui était très fatiguée.